18. Le livre des hadiths choisis. Chapitre 370. Les hadiths concernant notamment le faux messie Dajjal et les signes de la fin des temps. 1808. An-Nawas ibn Sam'an rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évoqua un jour le faux messie, le Dajjal, élevant par moments la voix, puis l'abaissant, au point que nous pensâmes que ce dernier se trouvait dans les palmeraies de Médine. Lorsque nous le revîmes par la suite, il eut de l'inquiétude sur nos visages et nous demanda « Qu'avez-vous ?» Nous répondîmes « Ô messager d'Allah, tu nous as parlé ce matin du faux messie, en élevant la voix, puis en l'abaissant, si bien que nous avons cru qu'il se trouvait au milieu des palmiers de la ville. » Il dit alayhi salatu wassalam « Ce n'est pas le faux messie que je crains le plus pour vous, car s'il apparaît de mon vivant, je vous protégerai de lui. » Et s'il apparaît après ma mort, alors chacun dépendra de soi-même, mais Allah prendra ma place auprès de chaque musulman. » Puis il ajouta, « C'est un homme jeune, aux cheveux courts et crépus, et à l'œil exorbité. Je pourrais le comparer à Abdul Uzza ibn Qatan. Celui qui vivra lorsqu'il viendra devra lire les premiers versets de la sourate La Caverne. Le faux messie apparaîtra sur une route située entre le Cham et l'Irak et provoquera des troubles de toutes parts. Ô adorateur d'Allah, soyez donc ferme. » Nous demandâmes, « Ô messager d'Allah, combien de temps restera-t-il sur terre ?»« 40 jours, répondit-il. Un jour équivalent à une année, un autre à un mois et un troisième à une semaine, le reste des jours étant comme les jours ordinaires. Ô messager d'Allah, nos prières actuelles d'un seul jour nous suffiront-elles en ce jour équivalent à un an ?»« Non, mais évaluez-en le nombre, dit-il. Ô messager d'Allah, à quelle vitesse se déplacera-t-il sur terre ?»« Comme le vent après la pluie, répondit-il. Il passera à côté de gens qu'il invitera à croire en lui, ce qu'ils feront. Il ordonnera alors à la pluie de tomber du ciel et à la terre de faire pousser sa végétation. Leurs bêtes n'auront jamais été aussi grasses et les mamelles de ces dernières aussi grosses. Il arrivera ensuite chez d'autres gens qu'il invitera également à croire en lui, mais ils ne se soumettront pas à lui, alors il les abandonnera. Leur terre deviendra aride, et la famine s'abattra sur eux. Il passera après cela devant des ruines, auxquelles il ordonnera « Faites sortir vos trésors ». Les trésors enfouis en sortiront alors et le suivront comme un essaim d'abeilles autour de la reine. Puis il invitera, sans succès, un homme à la fleur de l'âge à le suivre. Il lui assènera alors un coup de sabre, scindant son corps en deux parties. Puis il l'appellera et le jeune homme se lèvera, le sourire aux lèvres et le visage resplendissant. À ce moment, Allah Ta'ala enverra le Messie, fils de Marie, alayhi salam. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, portant deux manteaux teints au safran, les mains posées sur les ailes de deux anges. Quand il baissera la tête, des gouttes d'eau en tomberont, et quand il la relèvera, de l'eau en ruissellera comme des perles. Tout mécréant qui ressentira le souffle de Jésus mourra, et son souffle atteindra l'horizon. Il pourchassera le faux messie jusqu'à la porte de Loud, près de Jérusalem en Palestine, où il le tuera. Jésus ira ensuite à la rencontre de gens qu'Allah aura préservés du faux messie. Il passera sa main sur leur visage en leur annonçant le rang qui sera le leur au paradis. À ce moment-là, Allah révélera à Jésus qu'il a fait venir un peuple que personne ne parviendra à combattre. Allah lui ordonnera alors de mettre à l'abri ses adorateurs sur le mont Sinaï. Allah enverra alors Gog et Magog, dévalant de toutes parts. Les premiers arriveront au lac de Tibériade, en Palestine, dont ils épuiseront l'eau, puis lorsque les derniers viendront, ils s'écrieront « Il y avait ici de l'eau auparavant ». Le prophète d'Allah, Jésus et ses compagnons seront assiégés, au point qu'une tête de bœuf aura plus de valeur pour eux à ce moment que 100 dinars pour vous aujourd'hui. Ils invoqueront alors Allah Ta'ala, qui enverra des vers au cou de leurs ennemis, qui périront tous comme un seul homme. Puis Jésus et ses compagnons descendront de la montagne vers la terre dont chaque recoin dégagera une odeur de pourriture. Ils imploreront alors Allah Ta'ala qui enverra des oiseaux au cou long comme celui des chameaux qui les mèneront là où Allah le voudra. Allah Tout-Puissant fera par la suite descendre une pluie qui s'infiltrera dans les maisons comme sous les tentes. Elle nettoiera la terre qui deviendra aussi lisse qu'un miroir. On dira alors à la terre « Fais pousser tes fruits et fais revenir tes bénédictions ». Ce jour-là, une grenade suffira à un groupe d'hommes qui pourront se mettre à l'ombre de sa pelure. Le lait sera béni au point qu'une chamelle laitière suffira à de nombreux hommes, une vache laitière à une tribu et une brebis à un clan. Allah Ta'ala enverra alors un vent bienfaisant qui passera sous les aisselles des gens pour reprendre l'âme de chaque croyant et de chaque musulman. Il ne restera alors sur terre que les hommes de la pire espèce, qui copuleront en public comme le font les ânes. C'est sur eux que se lèvera l'heure. Muslim. 1809. Rib'i ibn Hirash rapporte « J'ai accompagné Abu Mas'ud al-Ansari chez Hudayfa ibn al-Yaman. » Abu Mas'ud lui dit « Raconte-moi ce que tu as entendu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam au sujet du faux messie, du Dajjal. » Hudayfa répondit « Le faux messie apparaîtra. Il aura avec lui de l'eau et du feu. Ce que les gens croiront être de l'eau sera en fait un feu brûlant, et ce qu'ils imagineront être du feu sera en vérité de l'eau fraîche et agréable. » Que celui parmi vous qui le rencontre se jette dans ce qu'il pense être du feu, car il s'agira d'une eau fraîche et agréable. Abu Mas'ud ajouta, je l'ai également entendu de sa bouche, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. 1810. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, le faux messie apparaîtra au milieu de ma nation pour y demeurer 40. Le narrateur a ajouté, « Je ne sais pas s'il s'agit de jours, de mois ou d'années. » Allah Ta'ala enverra alors Jésus, fils de Marie, qui le pourchassera pour finalement le tuer. Les gens vivront ensuite 7 ans sans la moindre animosité entre eux. Puis Allah Azza wa Jal enverra un vent froid venant du Cham qui enlèvera l'âme de toute personne vivante à la surface de la terre dont le cœur renferme la plus petite trace de bien ou de foi. Si bien que, si l'un d'entre vous cherchait refuge au cœur d'une montagne, ce vent s'y engouffrerait pour lui saisir son âme. Ne subsistera alors sur la terre que des gens de la pire espèce, prompts comme les oiseaux à commettre le mal, cruels entre eux comme des bêtes sauvages, ne connaissant aucun bien et n'interdisant pas le mal. Satan leur apparaîtra en leur disant « Ne répondez-vous pas à mon appel ?» Ils diront « Que nous ordonnes-tu de faire ?» Il leur ordonnera d'adorer les idoles, ce qui leur apportera bien-être et aisance jusqu'à ce que l'on souffle dans la trompe. Nul ne l'entendra sans que son cou vacille de droite à gauche, le premier d'entre eux étant un homme occupé à réparer l'abreuvoir de ses chameaux. Il sera donc foudroyé, suivi en cela par le reste des hommes. Allah fera tomber une pluie fine grâce à laquelle les corps des hommes renaîtront de la terre. Puis on y soufflera à nouveau et les voilà debout à regarder. On les interpellera alors en ces termes « Ô hommes, venez à votre Seigneur et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. » Puis on dira « Faites venir les gens destinés à l'enfer. Dans quelle proportion » demandera-t-on. « 999 sur 1000 » répondra-t-on. Ce sera un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs et aussi le jour où on leur découvrira une jambe. Muslim. 1811. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas de lieu que le faux messie ne pénétrera, excepté la Mecque et Médine. En effet, à chaque entrée de ces deux villes seront postés des anges en rang pour les garder. Puis le faux messie fera halte à Sabra, terre marécageuse et salée à Médine. Médine sera alors secouée par 3 tremblements par lesquels Allah en fera sortir tout mécréant et tout hypocrite. » Muslim. 1812. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Le faux messie sera suivi par 70 000 juifs disparants portant des châles, sans couture, se portant sur les épaules et recouvrant tout le corps. » Muslim. 1813. Sharik, radiyallahu anha, rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Pour fuir le faux messie, les hommes chercheront refuge dans les montagnes. » Muslim. 1814. Imran ibn Hussein, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Entre le jour de la création d'Adam et celui de la résurrection, il n'y aura pas eu de pire épreuve que celle du faux messie. » Muslim. 1815. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque le faux messie Dajjal viendra, un homme parmi les croyants ira à sa rencontre, mais il trouvera sur sa route des hommes de sa garde qui l'interrogeront. « Où vas-tu ? Je veux voir cet homme qui vient de faire son apparition, » dira-t-il. « Ne crois-tu donc pas en notre Seigneur, le faux Messie ?»« Notre Seigneur, Allah, n'est nullement inconnu, » répondra le croyant. « Tuons-le, » diront certains. « Votre Seigneur, » diront d'autres, « ne vous a-t-il pas interdit de mettre à mort qui que ce soit sans sa permission ?» Alors ils le conduiront auprès du faux Messie. Lorsque le croyant verra ce dernier, il s'exclamera « Ô Jean, voici le faux Messie qui fut annoncé par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Le faux Messie ordonnera qu'il soit jeté face contre terre, puis frappé à la tête et sur le visage. Ils le battront également sur le dos et le ventre. Le faux Messie le questionnera alors « Ne crois-tu pas en moi ?»« Tu es le faux Messie, l'imposteur, » répondra-t-il. Le Dajjal ordonnera alors que son corps soit scié en deux, en commençant par le milieu du crâne jusqu'aux jambes, puis il marchera entre les deux moitiés de son corps. Alors il lui ordonnera « Lève-toi », et le croyant se redressera. Il lui dira alors « Crois-tu en moi ?» L'homme répondra « Cela m'a encore plus ouvert les yeux à ton sujet. » Puis l'homme interpellera les gens « Il ne pourra plus rien contre vous après cela. » Le faux Messie tentera alors de l'égorger, mais Allah transformera son cou jusqu'à la clavicule en cuivre, interdisant au Dajjal de le tuer. Il le saisira par les mains et les pieds et le lancera dans ce qui semblera un feu aux gens, alors qu'il l'aura en fait jeté dans le paradis. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajouta « Ce sera le plus grand des martyrs auprès du Seigneur de l'univers. » Muslim. 1816. Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, a dit « Personne plus que moi n'a interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur le faux Messie. Il m'a alors dit, sallallahu alayhi wassalam, « Pourquoi es-tu si préoccupé à son sujet ?» J'ai dit « Ô messager d'Allah, on dit qu'il aura avec lui une montagne de pain et une rivière d'eau. » Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Il est trop méprisable pour Allah pour pouvoir par cela tromper les croyants. » Al-Bukhari et Muslim. 1817. Anas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas un seul prophète qui n'ait mis en garde sa nation contre le borgne menteur, le faux Messie. Sachez donc qu'il est borgne, alors que votre Seigneur Azza wa Jal ne l'est pas. Sur son front figurent trois lettres, Kaf, Fa et Ra, Kaf et R, lettres formant la racine du mot arabe Kafir qui signifie « mécréant ». Al-Bukhari et Muslim. 1818. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Voulez-vous que je vous dise, au sujet du faux Messie, ce qu'aucun prophète n'a avant moi, dit à son peuple ? Il est borgne, et viendra avec ce qui semblera être le paradis et l'enfer, mais ce qu'il prétendra être le paradis ne sera que l'enfer. » Al-Bukhari et Muslim. 1819. D'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mentionna le faux Messie, le Dajjal, devant les gens, en disant « Allah n'est certainement pas borgne, alors que le Dajjal est borgne de l'œil droit, qui est proéminent comme un raisin. » Al-Bukhari et Muslim. 1820. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'heure, la fin du monde, ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les juifs. Le rocher ou l'arbre derrière lequel se sera caché un juif dira alors « Ô musulmans, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. » À l'exception du Rarqad, un épineux, car il est l'arbre des juifs. Al-Bukhari et Muslim. 1821. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, l'heure ne viendra pas avant que l'homme ne passe devant une tombe et qu'il ne se roule dans sa poussière en disant « Si seulement je pouvais être à la place de celui qui y est enterré, non pas qu'il souhaite la mort pour des raisons religieuses, mais à cause des épreuves qui auront lieu à cette époque. » Al-Bukhari et Muslim. 1822. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. Sur 100 personnes qui la convoiteront, 99 périront. Chacun se dira alors, il se peut que je sois le seul survivant. Dans une autre version, peu s'en faut que l'Euphrate laisse apparaître un trésor d'or, que celui qui vivra à cette époque n'en prenne rien. Al-Bukhari et Muslim. 1823. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Les gens quitteront Médine, alors qu'elle n'aura jamais été aussi prospère, et personne, à l'exception des rapaces et des bêtes sauvages, n'y entrera. Les derniers à mourir seront deux bergers de la tribu des Mouzaïna qui, à force de cris, mèneront leurs troupeaux à Médine. À leur arrivée, Médine sera totalement dépeuplée, et lorsqu'ils atteindront Thaniyatil Wada', ils tomberont face contre terre. » Al-Bukhari et Muslim. 1824. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y aura à la fin des temps l'un de vos califes qui distribuera l'argent sans compter. » Muslim. 1825. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il viendra un temps où l'homme cherchera en vain qui voudra de son aumône en or, et où un seul homme sera convoité par 40 femmes à cause de la pénurie d'hommes et de l'abondance de femmes. » Muslim. 1826. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un homme acheta un terrain à un autre homme. L'acheteur y découvrit une jarre pleine d'or. Il dit au vendeur « Prends ton or, car je n'ai acheté que la terre et non l'or. »« Je t'ai vendu la terre et son contenu, » répondit le vendeur. Ils demandèrent donc à un troisième de juger entre eux. Ce dernier leur demanda « Avez-vous des enfants ?»« J'ai un garçon, » répondit l'un d'eux. « J'ai une fille, » dit l'autre. « Mariez-les, » leur conseilla-t-il, « puis dépensez une partie de l'argent pour leur mariage et faites aumône du reste. » Al-Bukhari et Muslim. 1827. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Il y avait deux femmes, chacune d'elles ayant un enfant, lorsqu'un loup vint et emporta l'un des deux enfants. Le loup a pris ton enfant, s'exclama la première. C'est plutôt le tien qui l'a emporté, rétorqua l'autre. Elles portèrent leurs différends devant le prophète David alayhi salam qui jugea en faveur de la femme la plus âgée. Elles se rendirent alors auprès de Salomon, fils de David, alayhi salam, pour l'informer de leur dispute. « Apportez-moi un couteau, que je vous le partage en deux, » dit Salomon. « Que la miséricorde d'Allah soit sur toi, n'en fais rien, c'est son enfant, » dit la plus jeune. Salomon accorda alors l'enfant à cette dernière. Al-Bukhari et Muslim. 1828. D'après Mirdas al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les vertueux disparaîtront les uns après les autres et il ne restera que le rebut des hommes, comme le rebut des grains d'orge ou celui des dattes, auquel Allah n'accordera aucune importance. » Al-Bukhari. 1829. Rifa'a ibn Rafi' al-Zuraqi, radiyallahu anhu, rapporte que l'ange Gabriel, Jibril, est venu demander au prophète, alayhi salatu wassalam, « Comment considérez-vous les hommes qui ont participé à la bataille de Badr ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Ils font partie des meilleurs musulmans » ou une phrase identique. « Tout comme ceux parmi les anges qui ont participé à la bataille de Badr » dit Jibril. Al-Bukhari. 1830. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque Allah ta'ala fait descendre son châtiment sur un peuple, celui-ci frappe sans distinction tout ce qui s'y trouve, puis chacun sera ressuscité selon ses œuvres. » Al-Bukhari et Muslim. 1831. Jabir, radiyallahu anhu, relate ceci. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prenait appui sur un tronc de palmier au cours de ses prêches. Quand le mimbar fut installé, nous entendîmes le tronc gémir à la manière des chamelles prêtes à mettre bas. Le prophète alayhi salatu wassalam descendit alors du mimbar et posa sa main sur le tronc qui se tut. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam prit place sur le mimbar le jour du vendredi. Le palmier près duquel il se tenait auparavant au cours de ses prêches se mit alors à crier au point qu'il faillit se fendre. Dans une troisième version, il se mit à crier comme un enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam descendit alors du mimbar et prit dans ses bras le tronc qui commença à sangloter comme un enfant que l'on console. Puis les pleurs cessèrent. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors, il a pleuré par nostalgie pour ce qu'il entendait auparavant de l'évocation d'Allah. Al-Bukhari 1832. Selon Abu Tha'laba al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Allah Ta'ala a imposé des obligations que vous ne devez pas négliger. Il a fixé des limites que vous ne devez pas transgresser et il a interdit des choses que vous ne devez pas commettre. Il s'est par ailleurs tu sur d'autres choses par miséricorde envers vous, non par oubli. Alors, ne cherchez pas à les connaître. Ce hadith est bon. Il est rapporté notamment par Ad-Darqutni. 1833. Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhuma, a dit « Nous avons participé avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à sept expéditions militaires au cours desquelles nous mangions des sauterelles. Dans une autre version, nous mangeons des sauterelles avec lui. » Al-Bukhari et Muslim. 1834. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant ne se fait jamais piquer deux fois d'un même trou. » Al-Bukhari et Muslim. 1835. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a trois types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas et qui subiront un châtiment douloureux. Un homme qui possède suffisamment d'eau alors qu'il se trouve dans une terre aride et qui, malgré cela, la refuse aux voyageurs. Un vendeur qui, après la prière du Asr, jure par Allah mensongèrement qu'il a acheté sa marchandise à tel prix. Et un homme qui ne fait allégeance à un chef que pour obtenir les biens de ce monde. S'il lui en accorde, il lui reste fidèle, sinon il viole son serment. » Al-Bukhari et Muslim. 1836. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Entre les deux souffles de la trompe, il y aura 40. » Les gens demandèrent « Ô Abu Huraira, 40 jours ?» Il ne put répondre. « 40 ans ?» poursuivirent les gens. Il continua à se taire. « 40 mois ?» demandèrent-ils à nouveau. Il persista à ne pas répondre avant d'ajouter « Le corps de l'homme disparaît entièrement, sauf le coccyx à partir duquel vont se reconstituer les corps. Allah fera descendre une eau du ciel qui fera renaître les hommes de la terre comme l'herbe qui en sort. » Al-Bukhari et Muslim. 1837. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte. Tandis que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'adressait à ses compagnons, assis en assemblée, un bédouin fit son apparition et lui demanda « À quand l'heure ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, continua à parler. Certains dirent « Il a entendu, mais il n'a pas apprécié la question. » D'autres dirent « Il n'a pas entendu. » À la fin de son discours, il demanda, alayhi salatu wassalam, « Où est celui qui m'a interrogé sur l'heure ?»« Me voici, ô messager d'Allah, » répondit le bédouin. « Quand il n'y aura plus de loyauté, l'heure sera proche, » lui répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. « Comment va-t-elle disparaître ?» demanda l'homme. « Lorsque l'autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors l'heure sera proche, » répondit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari. 1838. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si ceux qui dirigent la prière en commun le font correctement, cette prière est comptée en votre faveur. Et s'ils commettent des erreurs, elle est tout de même comptée en votre faveur, mais en leur défaveur. » Al-Bukhari. 1839. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit en commentaire du verset « Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens, sourate 3, verset 110, c'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs hommes envers leurs semblables, puisqu'ils les ramènent en tant que captifs avec des chaînes au cou, puis finalement, ceux-ci embrassent l'islam. » Al-Bukhari. 1840. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Allah Azza wa Jal s'étonne de gens qui sont menés au paradis dans des chaînes. Al-Bukhari. C'est-à-dire qu'ils sont enchaînés après avoir été faits prisonniers, puis ils embrassent l'islam, gagnant ainsi le paradis. 1841. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées, et ceux les plus détestés d'Allah sont les marchés. Muslim. 1842. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, a dit: ne sois pas, dans la mesure du possible, le premier à entrer au marché et le dernier à en sortir, car c'est l'arène de Satan où il lève son étendard. Muslim en ces termes. Un hadith identique est rapporté par Al-Barqani dans son Sahih d'après Salman. Selon lui, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: ne sois pas le premier à entrer au marché et le dernier à en sortir, car Satan dépose et fait éclore ses œufs à cet endroit. 1843. D'après Asim al-Ahwal, Abdullah ibn Sarjis, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, qu'Allah te pardonne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: et à toi aussi. Asim ajouta: j'ai demandé à Abdullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a-t-il vraiment imploré le pardon d'Allah pour toi? Oui, répondit-il, ainsi que pour toi. Puis il récita ce verset: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate 47, verset 19. Muslim. 1844. Selon Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: parmi les paroles prophétiques anciennes héritées par les hommes figure ceci: si tu n'éprouves aucune pudeur, alors fais ce qu'il te plaît. Al-Bukhari. 1845. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les premiers cas à être jugés le jour de la résurrection seront les crimes de sang. Al-Bukhari et Muslim. 1846. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les anges sont créés de lumière, les djinns de la flamme d'un feu sans fumée, et à Adam de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire d'argile. Muslim. 1847. Aisha radiallahu anha a dit: le caractère du prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, c'était le Coran. Muslim. 1848. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui se réjouit de rencontrer Allah, Allah se réjouit de le rencontrer. Et celui qui répugne à rencontrer Allah, Allah répugne à le rencontrer. Aisha a dit: ô messager d'Allah, s'il s'agit de la mort, nous répugnons tous à mourir. Il dit, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le croyant à qui la miséricorde d'Allah, son agrément et son paradis sont promis au moment de mourir, se réjouit de rencontrer Allah qui se réjouit de le rencontrer. Quant au mécréant, à qui le châtiment d'Allah et son courroux sont annoncés au moment de mourir, il répugne à rencontrer Allah qui répugne de même à le rencontrer. Muslim. 1849. Safiya bint Huyay, radiyallahu anha, l'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, relate ce qui suit. Une nuit, j'ai rendu visite au prophète, alayhi salatu wassalam, qui faisait une retraite, i'tikaf, à la mosquée. J'ai discuté avec lui avant de me lever pour rentrer chez moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se leva également pour m'accompagner. Au même moment, deux hommes parmi les Ansar passèrent et, à la vue du prophète, sallallahu alayhi wassalam, pressèrent le pas. Doucement, dit-il, alayhi salatu wassalam, ce n'est que Safiya bint Huyay. Gloire à Allah, subhanallah, ô messager d'Allah, s'exclamèrent-ils. Satan s'insinue, circule, chez l'homme comme le sang circule dans le corps humain, les veines, et j'ai craint qu'il ne vous suggère quelque mauvaise pensée. Al-Bukhari et Muslim. 1850. Abul Fadl al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhuma, relate cet événement. Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib et moi avons accompagné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam monté sur sa mule blanche dans ses moindres déplacements le jour de la bataille de Hunayn. Lorsque les musulmans affrontèrent les païens et prirent la fuite, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se mit à frapper des jambes les flancs de sa mule pour la pousser, la poussant en direction des mécréants. À l'inverse, je tentais de ralentir sa marche en saisissant la bride de la mule, tandis qu'Abu Sufyan agrippait de son côté son étrier. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'interpella. « Oh Abbas, appelle les gens de Samoura, espèce d'arbre à épines, c'est-à-dire ceux qui lui ont prêté serment sous l'arbre à Al-Hudaybiyya de ne jamais fuir. » Je criai du plus fort que je pus, Abbas avait une grosse voix. « Où sont les gens de Samoura ?» Par Allah, dès qu'ils m'entendirent, ils retournèrent vers le prophète alayhi salatu wassalam comme la vache qui retourne vers ses veaux en disant « nous voici, ô messager d'Allah !» Puis ils combattirent les infidèles. Les Ansar furent alors interpellés en ces termes. « Ô les Ansar ! Ô les Ansar !» Puis l'appel fut limité à la tribu des Banu al-Harith ibn al-Khazraj. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, toujours à dos de mule, le corps tendu pour mieux observer la lutte, fit cette remarque. La bataille fait rage. Il ramassa alors quelques cailloux et les jeta au visage des mécréants avant d'ajouter « Par le Seigneur de Muhammad, ils sont vaincus. » Par Allah, j'observai le combat qui n'évolua pas jusqu'à ce qu'il jette ses pierres, alayhi salatu wassalam. J'ai vu alors leur force décroître progressivement et la bataille tourner en leur défaveur. Muslim. 1851. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô gens, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit Ta'ala « Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites le bien. » Sourate 23, verset 51. Il a dit par ailleurs « Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. » Sourate 2, verset 172. Puis il cita, alayhi salatu wassalam, l'homme qui voyage longuement, les cheveux ébouriffés, le visage couvert de poussière et qui tend les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» alors que sa nourriture est illicite, haram, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et qu'il a été nourri à l'aide de biens illicites. Comment pourrait-il être exaucé ? Muslim. 1852. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a trois types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas et qui subiront un châtiment douloureux. Un vieillard fornicateur, un roi menteur et un pauvre orgueilleux. » Muslim. 1853. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Sayhan et Jayhan, l'Euphrate et le Nil sont des rivières du paradis. » Muslim. 1854. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me prit par la main et me dit « Allah créa la terre le samedi. Il y implanta les montagnes le dimanche, les arbres le lundi, les choses que les gens détestent le mardi, la lumière le mercredi, il y répandit les animaux le jeudi et créa à Adam l'après-midi du vendredi, aux dernières heures de la création, entre le Asr et la tombée de la nuit. » Muslim. 1855. Abu Sulayman Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a dit « Neuf épées se brisèrent dans ma main au cours de la bataille de Mu'ta, dans le Cham. Il ne me resta dans la main qu'un seul sabre yéménite. » Al-Bukhari. 1856. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Lorsque le juge, après un effort de réflexion, prononce un jugement correct, il obtient une double récompense. » Et si après un effort de réflexion, il se trompe dans son jugement, il obtient une seule récompense. Al-Bukhari et Muslim. 1857. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La fièvre provient de la chaleur de l'enfer. Faites-la tomber avec de l'eau. » Al-Bukhari et Muslim. 1858. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Que le proche du défunt s'acquitte à sa place et en son nom des jours de jeûne dont il était redevable avant de mourir. » Al-Bukhari et Muslim. 1859. D'après Auf ibn Malik ibn Tufayl, Aïcha, radiyallahu anha, fut informée que Abdullah ibn Zubayr avait dit au sujet d'une vente ou d'un don qu'elle avait fait, « Par Allah, si Aïcha n'arrête pas, je placerai ses biens sous tutelle. » « Est-ce lui qui a dit cela ?» demanda Aïcha, radiyallahu anha. « Oui, répondirent les gens. « Par Allah, jura-t-elle, je ne parlerai plus jamais à Ibn Zubayr. » Lorsque cette situation lui pesa, Abdullah ibn Zubayr demanda à certaines personnes d'intercéder en sa faveur auprès de Aïcha, mais elle répondit « Par Allah, je n'accepterai aucune intercession en sa faveur et je ne commettrai pas le péché de revenir sur mon vœu. » Quand cette situation lui devint insoutenable, Ibn Zubayr en parla à Al-Miswar ibn Makhrama et Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abd Yarouth. « Je vous implore au nom d'Allah de me faire rentrer chez Aïcha, car son vœu de rompre toute relation avec moi est illicite. » Al-Miswar et Abdurrahman se rendirent en sa compagnie auprès de Aïcha, à qui ils demandèrent l'autorisation d'entrer en disant « Que le salut, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvons-nous entrer ?»« Entrez, » répondit-elle. « Nous tous ?» demandèrent-ils. « Oui, tous, » dit-elle, sans savoir qu'Ibn Zubayr était avec eux. Quand ils entrèrent, Ibn Zubayr passa derrière le rideau qui séparait Aïcha des hommes étrangers et prit Aïcha, sa tante, dans ses bras. En pleurs, il la supplia. Al-Miswar et Abdurrahman l'implorèrent également de lui parler et d'accepter ses excuses en lui rappelant que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait défendu de rompre les liens et qu'il n'était pas permis à un musulman de fuir son frère musulman plus de 3 jours. Embarrassée par leurs exhortations, elle commença à pleurer en disant « J'ai fait un vœu, et le vœu est une chose très grave. » Ils persistèrent, si bien qu'elle finit par revenir sur son serment, puis en expiation de la violation de son vœu, elle affranchit 40 esclaves. Par la suite, chaque fois qu'elle se souvenait de son vœu, elle pleurait au point de mouiller son voile. Al-Bukhari. 1860. D'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, 8 ans après leur mort, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rendit auprès des martyrs de la bataille d'Uhud. Il implora Allah en leur faveur comme s'il s'agissait de ses adieux aux vivants et aux morts. Puis de retour, il monta sur le mimbar de la mosquée et dit « Je vous devancerai et témoignerai contre vous devant Allah. Notre rendez-vous sera devant le bassin, Haoud, bassin du paradis réservé aux musulmans. Je le vois d'ici. » Certes, ce n'est pas le polythéisme que je crains pour vous, mais que vous vous disputiez les biens de ce monde. » Uqba ibn Amir ajouta, « Ce fut la dernière fois que je vis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, « Mais que vous vous disputiez les biens de ce monde et que vous vous entretuiez, puis que vous périssiez comme ont péri les générations qui vous ont précédé. » Uqba ajouta, « Ce fut la dernière fois que je vis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur le mimbar. » Dans une autre version encore, « Je vous devancerai et témoignerai contre vous devant Allah. Par Allah, je vois en ce moment le bassin. Les clés des trésors de la terre, ou les clés de la terre, m'ont été données. Et par Allah, ce n'est pas le polythéisme que je crains pour vous, mais que vous vous disputiez les biens de ce monde. » 1861. Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari, radiyallahu anhu, relate ceci. Après avoir dirigé la prière de l'aube, Fajr, le prophète, alayhi salatu wassalam, monta sur le mimbar du haut duquel il nous fit un prêche qui s'étendit jusqu'au dhor. Il en redescendit pour diriger la salat avant de s'y installer une nouvelle fois jusqu'à l'heure du asr. Il en redescendit à nouveau pour diriger la salat, puis y reprit place une troisième fois jusqu'au coucher du soleil. Il nous informa des événements passés et de ceux à venir, les plus savants parmi nous furent ceux qui mémorisèrent le plus de choses. Muslim. 1862. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. » Al-Bukhari. 1863. Sharik, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a ordonné de tuer les geckos, en expliquant « les geckos soufflaient sur Abraham », c'est-à-dire dans le feu dans lequel il fut projeté. Note, les geckos, lézards des régions tropicales et subtropicales, à tête large et plate, aux yeux globuleux, aux doigts pourvus de griffes et de ventouses. Al-Bukhari et Muslim. 1864. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque tue un gecko du premier coup obtient telle récompense. Celui qui le tue au deuxième coup, une récompense moindre, et au troisième coup, telle autre récompense. » Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « 100 bonnes actions sont inscrites à celui qui tue un gecko du premier coup, un nombre inférieur à celui qui le tue en deux coups, et un nombre encore inférieur à celui qui le tue en trois coups. » Muslim. 1865. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Un homme prit la résolution de donner une aumône. Il sortit et tendit son aumône à ce qui se révéla être un voleur. Le lendemain, les gens dirent « Quelqu'un a donné une aumône à un voleur. » L'homme dit « Ô Allah, louange à toi, je vais faire une autre aumône. » Il sortit et l'attendit à une prostituée. Le lendemain, les gens dirent « Quelqu'un a donné cette nuit une aumône à une prostituée. » L'homme dit « Ô Allah, louange à toi, ai-je vraiment donné mon aumône à une prostituée ? Je donnerai une autre aumône. » Il sortit et la plaça dans la main d'un riche. Le lendemain, les gens dirent « Quelqu'un a donné son aumône à un riche. » L'homme dit « Ô Allah, louange à toi, tout d'abord à un voleur, puis à une prostituée, et maintenant à un riche ?» Quelqu'un vint le voir et lui dit « Ton aumône donnée au voleur l'empêchera peut-être de voler. Celle accordée à la prostituée l'empêchera peut-être de se prostituer. Et qui sait si celle offerte au riche ne lui servira pas de leçon, en l'incitant à faire lui aussi aumône d'une partie des biens qu'Allah lui a octroyés. » Al-Bukhari dans ses termes et Muslim selon un autre récit. 1866. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte « Nous fûmes invités à un repas avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On lui servit l'épaule, partie qu'il appréciait plus particulièrement. Il en mangea un morceau, puis dit « Je serai le maître des hommes le jour de la résurrection. Savez-vous pourquoi ? Allah rassemblera les premières et les dernières générations sur une même surface, si bien qu'un observateur pourra les voir et qu'un héros pourra se faire entendre d'eux. Le soleil s'approchera des gens, les plongeant dans une tristesse et une angoisse insoutenables. Ils se diront « Ne voyez-vous pas dans quel état vous vous trouvez ? N'allez-vous pas chercher quelqu'un pour intercéder en votre faveur auprès de votre Seigneur ?» Certains répondront « Allons voir notre Père, Adam. » Ils se rendront donc auprès de lui et lui diront « Ô Adam, tu es le premier des hommes. Allah t'a créé de sa main. Il a insufflé en toi son esprit. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Puis il t'a installé au paradis. Vois dans quel état nous sommes. Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur ?» Adam leur répondra « La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra jamais plus. Or, il m'a interdit de manger de l'arbre, mais j'ai désobéi. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Noé. » Ils iront donc voir Noé, à qui ils diront « Ô Noé, tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre et Allah t'a surnommé le serviteur très reconnaissant. Vois dans quel état nous sommes. Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur ?» Noé leur répondra « La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra jamais plus. Or, Allah m'a accordé le droit, une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Abraham. Ils se rendront alors auprès d'Abraham, qu'ils solliciteront également. Ô Abraham, tu es le messager d'Allah et son ami intime parmi tous les hommes. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes ? Abraham leur dira, la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra jamais plus. Or, j'ai menti à trois reprises. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Moïse. Ils iront donc voir Moïse en lui disant, « Ô Moïse, tu es le messager d'Allah. Il t'a privilégié en t'accordant son message et en t'adressant la parole. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Vois dans quel état nous sommes. » Moïse leur dira, « La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra jamais plus. Or, j'ai tué un homme qu'on ne m'avait pas ordonné de tuer. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Jésus. » Ils se rendront auprès de Jésus à qui ils diront, « Ô Jésus, tu es le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit, Roh, venant de lui. Tu as parlé aux gens au berceau. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas dans quel état nous sommes ?» Jésus leur répondra, « La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra jamais plus. » Il ne mentionna aucune faute. « Mon cas me suffit. » Mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Muhammad. Dans une autre version, ils viendront me voir et me diront, ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Par ailleurs, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Vois dans quel état nous sommes. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuivit, je me rendrai alors sous le trône et je tomberai en prosternation devant mon Seigneur. Allah m'inspirera alors des formules de glorification et de louange qu'il n'a inspirées à aucun être avant moi. Puis on me dira, « Ô Muhammad, relève la tête, demande et il te sera accordé, intercède et tu seras exaucé. » Je lèverai alors la tête et dirai, « Ma nation, ô Seigneur, ma nation, ô Seigneur !» On me dira, « Ô Muhammad, fais entrer ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre par la porte droite du paradis. Et ils entreront également par les autres portes avec le reste des gens du paradis. » Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, la distance entre les deux montants des portes du paradis est la même que celle qui sépare la Mecque de Hajara, ville de Bahreïn, ou la Mecque de Bousra, ville de Syrie. » Al-Bukhari et Muslim. 1867. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte ce hadith. Abraham conduisit la mère d'Ismaïl Hajar et son fils, qui prenaient encore le sein, et les installa près de la maison, la Kaaba, sous un grand arbre à l'emplacement de la source de Zamzam, dans la partie la plus élevée de l'emplacement de la mosquée. La Mecque était alors déserte et sans eau. Il les installa donc en ce lieu, leur laissant un sac de dattes et une outre contenant de l'eau. Puis il rebroussa chemin. La mère d'Ismaïl le suivit et lui dit, « Ô Abraham, où vas-tu en nous laissant dans cette vallée déserte ?» Elle réitéra sa question à maintes reprises, mais sans obtenir de réponse. Finalement, elle demanda, « Allah t'a-t-il ordonné d'agir de la sorte ?»« Oui, répondit-il. « Alors, il ne nous abandonnera pas, conclut-elle. » Et elle revint sereinement à sa place. Abraham poursuivit sa route. Arrivé à Athaniya, l'un des chemins d'accès à la Mecque, d'où il ne pouvait être vu, il fit face à la Kaaba, les mains levées au ciel, pour implorer Allah. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salade, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » Sourate 14, verset 37. La mère d'Ismaël allaita son fils en buvant l'eau qu'Abraham lui avait laissée. Quand celle-ci s'épuisa et qu'ils eurent soif, son enfant commença à se tordre de douleur. Ne pouvant supporter ce spectacle, elle s'en alla. Elle grimpa alors sur Safa, le premier monticule qu'elle trouva, d'où elle pouvait scruter la plaine du regard. N'apercevant personne, elle descendit. Arrivée dans la vallée, elle souleva le pan de sa robe et se mit à courir jusqu'à l'autre bout du vallon qu'elle atteignit à bout de souffle. Elle monta alors sur le mont Marwa, du haut duquel elle fixa à nouveau l'horizon, mais sans y découvrir âme qui vive. Elle parcourut ainsi la distance entre les deux monticules à 7 reprises. Ibn Abbas ajouta, « Le prophète a dit, « C'est pour cette raison que les gens vont et viennent entre Safa et Marwa dans les rites du Hajj et de la Umra. » Lorsqu'elle se trouva sur Marwa, elle entendit une voix et se dit à elle-même, « Tais-toi. » Elle tendit alors l'oreille et entendit à nouveau une voix, puis elle dit, « Je t'ai entendu, as-tu à boire ?» Soudain, elle vit à l'emplacement de Zamzam, un ange en train de tâter le sol du talon ou de l'aile. Lorsque l'eau jaillit, elle amoncela de la terre autour afin d'en faire un petit bassin. Elle remplit ensuite son outre, l'eau jaillissant chaque fois qu'elle en puisait, ou à mesure qu'elle en puisait. D'après Ibn Abbas, le prophète a.s.w. a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaël. Si elle n'avait pas touché à Zamzam, ou bien il dit, si elle n'avait pas puisé l'eau, elle serait aujourd'hui une source jaillissante à la surface. » Ibn Abbas poursuit. Elle but et allaita son fils. L'ange lui dit « Ne craignez plus rien maintenant, car ici se trouve l'emplacement de la maison d'Allah que cet enfant et son père construiront. Et Allah n'abandonnera jamais ses habitants. » L'emplacement de ce qui allait devenir la Kaaba était surélevé et préservé des torrents qui le contournaient. Venant par la route de Kada, un groupe de gens de la tribu de Jurhum arrivèrent. Ils campèrent en contrebas de la Mecque, et remarquant qu'un oiseau tournait autour de la source, ils se dirent « On dirait que cet oiseau vole au-dessus d'un point d'eau. Or, nous connaissons bien cette vallée, et il n'y a pas d'eau à cet endroit. » Ils envoyèrent un ou deux hommes qui trouvèrent finalement l'eau et en informèrent le reste du groupe. Ils se rendirent alors à la source près de laquelle se trouvait la mère d'Ismaël. « Nous permets-tu de camper ici ?» demandèrent-ils. Elle accepta, mais à la condition qu'ils ne s'accaparent pas la source. Ils acceptèrent. D'après Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Leur venue soulagea la mère d'Ismaël, car elle aimait la compagnie des gens. » Ils s'installèrent donc et firent venir leur famille. L'endroit fut ainsi habité par plusieurs familles. Ismaël grandit et apprit l'arabe à leur contact. Il se distingua au point de susciter leur admiration. Quand il atteignit l'âge adulte, ils lui donnèrent l'une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaël mourut à cette époque. Après le mariage d'Ismaël, Abraham revint prendre des nouvelles de sa descendance. Ismaël absent, il interrogea sa femme qui lui répondit « Il est allé chercher de quoi manger. » Dans une autre version, « Il est allé chasser pour nous ramener à manger. » Abraham s'informa ensuite de leur situation. « Nous vivons dans le besoin et l'adversité, » se plaignit-elle. Abraham lui dit alors « Quand ton mari sera de retour, salue-le de ma part et dis-lui de changer le seuil de sa porte. » De retour, Ismaël sentit quelque chose. « Avez-vous reçu une visite ? » demanda-t-il à son épouse. « Un vieil homme est en effet venu, » répondit-elle en le décrivant. « Il nous a interrogés sur toi et sur notre vie. Je lui ai répondu que nous vivions dans le besoin et l'adversité. « M'a-t-il laissé un message ? » demanda-t-il. « Oui, » dit-elle, « il m'a demandé de te transmettre son salut et de te dire de changer le seuil de ta porte. « C'est mon père, » dit-il. Et il m'ordonne de me séparer de toi. Retourne chez ta famille. » Il la répudia et prit pour épouse une autre femme de la même tribu. Abraham s'absenta le temps qu'Allah voulut, puis revint les voir, mais sans trouver son fils. Il entra chez lui et s'enquit de lui auprès de sa femme qui lui dit « Il est allé chercher de quoi manger. » Abraham s'informa ensuite de leur situation. « Nous sommes heureux et vivons dans l'aisance, » répondit-elle en louant Allah Ta'ala. « Que mangez-vous ? » demanda Abraham. « De la viande, » répondit-elle. « Que buvez-vous ? » poursuivit-il. « De l'eau, » dit-elle. « Ô Allah, bénis leur viande et leur eau, » implora Abraham. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ajouta, « Ils n'avaient pas à ce moment de grains. S'ils en avaient eu, il aurait imploré Allah de les bénir. » Le narrateur ajouta, « C'est pour cela que personne, en dehors des habitants de la Mecque, ne peut se contenter de vivre de viande et d'eau sans en être affecté. » Dans une autre version, dès son arrivée, Abraham interrogea la femme. « Où est Ismaël ?»« Il est allé à la chasse, » répondit-elle, en l'invitant à boire et à manger. « Que mangez-vous et que buvez-vous » interrogea Abraham. « Nous mangeons de la viande et nous buvons de l'eau, dit-elle. Ô Allah, bénis leur nourriture et leur boisson, implora Abraham. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit : Ceci est la bénédiction due à l'invocation d'Abraham. Lorsque ton mari sera de retour, dit Abraham, salue-le de ma part et dis-lui de garder le seuil de sa porte. De retour, Ismaël demanda à son épouse si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle répondit qu'un vieil homme, à la belle allure, était en effet venu pendant son absence. Elle fit son éloge et précisa qu'il avait demandé de ses nouvelles et l'avait questionné sur leur situation. Elle poursuivit : Je lui ai répondu que nous vivions pour le mieux. M'a-t-il laissé un message ? Oui, répondit-elle. Il m'a demandé de te transmettre son salut et te recommande de garder le seuil de ta porte. C'est mon père, dit Ismaël, et tu es le seuil qu'il m'a ordonné de garder. Abraham les quitta le temps qu'Allah voulut, puis revint chez eux. Ismaël était en train de confectionner des flèches sous un grand arbre près de Zamzam. En le voyant, il se leva et l'accueillit comme un fils accueille son père, et Abraham en fit de même avec son fils. Abraham lui dit : Ô Ismaël, Allah m'a confié une mission. Exécute l'ordre de ton Seigneur, dit Ismaël. M'aideras-tu ? Demanda Abraham. Oui, je t'aiderai, répondit le fils. Allah m'a ordonné de construire une maison à cet endroit, dit-il, en indiquant un monticule surplombant les alentours. Il se mit alors à élever les fondations de la maison sacrée. Ismaël apportait les pierres et Abraham construisait l'édifice. Quand il fut trop haut, Ismaël apporta cette fameuse pierre de l'actuel maqam Ibrahim, sur laquelle Abraham se tenait pour achever la construction alors qu'Ismaël lui tendait les pierres. Et tous deux invoquaient Allah en ces termes : Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car tu es celui qui entend et qui sait parfaitement. Sourate 2, verset 127. D'après une autre version, Abraham prit la route avec Ismaël et sa mère, emportant avec eux une vieille outre remplie d'eau dont buvait la mère d'Ismaël, ce qui permettait à son lait de se former pour son bébé. Arrivé à la Mecque, Abraham les laissa sous un grand arbre avant de regagner sa famille. La mère d'Ismaël le suivit pour finalement le rattraper à Kada. Elle l'interpella dans son dos : « Ô Abraham, à qui nous confies-tu ? » « À Allah, répondit-il. » « J'agrée Allah, dit-elle avant de revenir sur ses pas. » Elle but à l'outre, ce qui lui permit d'allaiter son fils. Puis lorsque l'eau s'épuisa, elle se dit : « Si j'allais voir aux alentours, je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un. » Elle grimpa sur Safa, scrutant sans cesse l'horizon dans l'espoir de voir quelqu'un, mais en vain. Arrivée dans la vallée, elle se mit à courir jusqu'au mont Marwa. Elle parcourut ainsi à plusieurs reprises la distance séparant les deux monticules avant de se dire « Si j'allais voir ce qu'il est advenu de mon enfant. » Elle le trouva dans le même état, râlant comme un mourant. Ne pouvant supporter de le voir ainsi, elle se dit « Si j'allais voir aux alentours, je pourrais peut-être trouver quelqu'un. » Elle grimpa sur Safa, scrutant sans cesse l'horizon, mais sans apercevoir âme qui vive. Elle parcourut ainsi la distance entre les deux monticules à cette reprise avant de se dire à nouveau « Si j'allais voir comment il va. » Mais, soudain, elle entendit une voix qu'elle interpella ainsi « Sauve-nous s'il y a quelque bien en toi. » Il s'agissait de Djibril, l'ange Gabriel, qui enfonçait son talon dans le sol. L'eau jaillit, jetant la mère d'Ismaël dans la stupéfaction. Elle se mit alors à puiser l'eau à l'aide de ses mains. Il cita le hadith en entier. Al-Bukhari. 1868. Sa'id ibn Zayd, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « La truffe est une manne, nourriture envoyée par Allah à Moïse et son peuple. Et son jus guérit les maladies de l'œil. » Al-Bukhari et Muslim.